Exercice 13, page 121. Ce faux foyer froid la démoralisait. Il fallait uniquement suivre les consignes et éviter de faire trop de bruit. Karine a tenté d'adoucir une voisine. Pourquoi ne pas se déplacer? Saluer, faire connaissance. Depuis, elle ressemble sur ce point à ses colocataires. Tous se croisent, casque aux oreilles.